بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 43 dans l'explication du livre قرة عيون الموحدين du Cheikh, de l'explication du livre Kitab al-Tawhid du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab par son petit-fils le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, avec les commentaires de Cheikh Saleh al-Fawzan dans Al-Mukhtasar, Al-Ta'liq al-Mukhtasar al-Mubin, ala Qurrat Uyun al-Muwahidin. Et donc, on continue à partir de l'endroit où on s'est arrêté la dernière fois. Et on était en train d'expliquer le verset dans Surat al-Mu'minun, dans lequel il y a l'énumération de certaines caractéristiques des croyants. Les versets 57 à 59 dans Surat al-Mu'minun. Et on était en train maintenant, on va commencer par l'explication, la citation de l'imam, du Cheikh Imad al-Din ibn Kathir, rahimahullah. Donc le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan il-Sitt ibn Kathir qui dit, rahimahullah, أي من إحسانهم وعملهم الصالح مشفقون من الله يعني خائفون وجلون من مكره بهم قال كما قال الحسن البصري رحمه الله المؤمن من جمع إحسانا وشفقا والمنافق من جمع إساءة وأمنا صلى الله العافية والذين هم بربهم والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. Donc ici le Cheikh il mentionne cette parole de Ibn Kathir, il explique le verset إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون, c'est-à-dire ceux qui sont pénétrés par la crainte de leur Seigneur. Et on parle déjà de la piété. Le Cheikh, il dit parmi les exemples de leur ihsan, leur bienveillance et leur bienfaisance, et de leur sincérité, et de leur bonté, et de leurs bonnes œuvres. Yani, ils ont malgré tout la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de lui désobéir, et de faire ce qui amène sa colère. Donc, ils ont peur. Et leur cœur frémisse à l'idée de se retrouver devant Allah subhanahu wa ta'ala, malgré les bonnes œuvres qu'ils font et malgré leur piété. Ils ont peur du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala si jamais ils désobéissent à ses commandements. Et c'est comme Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, un parmi les tabi'in, les élèves des sahaba. Il dit, Al-Mu'min, من جمع إحسانا وشفقا والمنافق من جمع إساءة وأمنا. C'est-à-dire que le vrai croyant, c'est celui qui fait du bien, il a de l'ihsan, wa alaykoum salam wa rahmatullah, il a de l'ihsan et en même temps il a peur d'Allah. Tandis que le munafiq, l'hypocrite, il fait du mal et il se sent en sécurité malgré tout. Il fait des péchés mais il se sent en sécurité. Ça, c'est le munafiq. Tandis que le mu'min, il fait du bien et il a peur d'Allah. Donc, c'est ça c'est important. De ne pas se sentir en sécurité lorsqu'on désobéit à Allah. Et lorsqu'on fait du bien. Si les gens qui font du bien, parmi les croyants, ils ont peur d'Allah, alors ceux qui font des péchés devraient avoir encore plus peur d'Allah. Et il dit le Cheikh Al-Fawzan, Al-Makru, ma'nahu al-istidraj lahum. Wal-Makru min Allahi, wal-Makru min Allahi mahmoudun. Li'annahu bihaq, li'isali al-uqubati iman ila man yastahiquha min haythu la yash'ur. Li'annahu la yamkur illa biman makara bihi. أو مكر بعباده مجازة وعدل منه سبحانه وتعالى. أما المكر المذموم فهو إيصال الأذى خفية إلى من لا يستحقه. قال تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ويمكرون ويمكر الله. لأن هؤلاء مكروا بأنبياء الله وأرادوا قتلهم بغير حق، فمكر الله بهم بأن عاقبهم عقوبة لم يشعروا بها، أوصلها إليهم بطريق خفي لم يشعروا به، جزاء منه وعدلا منه سبحانه وتعالى. فالمكر منه محمود لأنه بحق، والمكر من المخلوق مذموم لأنه بغير حق. Donc le cheikh il explique, il dit donc que par rapport à qu'est-ce qu'il a mentionné du fait que les croyants ont peur de son stratagème, ils ont peur du stratagème d'Allah et de la ruse d'Allah. Hein? Et le cheikh explique qu'est-ce que c'est cette ruse, qu'est-ce que ça signifie cette ruse de la part d'Allah, et pourquoi on doit avoir peur de cette ruse. Il explique qu'en réalité, la ruse d'Allah, c'est le fait que lorsque quelqu'un essaie de ruser avec Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il y a des hommes, hein, comme les munafiqin et les kuffars, ou d'autres qui ne sont pas sincères avec Allah. Ils agissent de manière à essayer de, comme s'ils étaient capables de tromper Allah. Hein? Ils agissent d'une manière malhonnête ou qui n'est pas sincère avec Allah. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il fait pour ces gens-là, ou avec ces gens-là? C'est qu'il leur fait parvenir des punitions et des châtiments sans qu'ils s'en aperçoivent. Hein? Sans qu'ils s'en aperçoivent. Et il fait avec eux qu'est-ce qu'on appelle al-istidraj. Al-istidraj, c'est-à-dire... Il les fait avancer graduellement, hein, vers l'égarement et vers le châtiment sans qu'ils puissent s'en apercevoir, hein, réellement. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont en train d'essayer de ruser avec Allah. Donc, le cheikh explique que la ruse de la part d'Allah, c'est quelque chose qui est louable. Pourquoi? Parce que c'est de faire parvenir à quelqu'un un châtiment qu'il mérite sans que cette personne ne s'en aperçoive. Et la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala ruse avec ces personnes-là, c'est parce que eux-mêmes sont des personnes rusées, qui essaient de ruser, soit avec Allah ou avec les croyants. Hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala les rétribue en agissant avec eux de manière rusée, comme eux essaient de ruser envers Allah ou envers les croyants. Et donc, dans ce sens-là, c'est une ruse qui est louable. Tandis que la ruse qui est blâmable, c'est de faire parvenir un mal quelconque de manière subtile à celui qui ne le mérite pas. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans les versets 54 dans Surat Al-Imran et le verset 30 dans Surat Al-Anfal, ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ويمكرون ويمكرون ويمكر الله. C'est-à-dire qu'il ruse et Allah ruse, et Allah est le meilleur des comploteurs ou de ceux qui rusent. Hein? Donc le cheikh il dit pourquoi? Parce que ces gens-là, ils rusent contre les prophètes et ils ont voulu essayer de tuer même les prophètes sans qu'ils aient le droit de le faire. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a rusé contre eux aussi et les a punis par une punition et un châtiment sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Et il leur a fait parvenir cette punition-là d'une manière qui est subtile et ils ne s'en aperçoivent même pas. Et ça, c'est par rétribution pour eux. Et c'est une justice de la part d'Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc, la ruse... Hein? De la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose qui est louable parce que c'est fait de manière juste. Tandis que la ruse de la part des créatures, c'est quelque chose qui est blâmable parce que c'est en général de manière injuste. Naam. Ensuite, le cheikh, il continue donc cette citation de Ibn Kathir. Donc Ibn Kathir, après avoir cité la parole de Al-Hasan al-Basri, il mentionne le verset, hein, wal munafiq man jama'a isa'atan wa amnan walladhina hum bi rabbihim yu'minun ay yu'minuna bi ayati Allah al-kawniyyah wa al-shar'iyyah liqawlihi ta'ala 'an Maryam وصدقت بكلمات ربه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين أي أيقنت أن ما كان فهو من قدر الله وقضائه وما شرعه الله إن كان أمرا فهو ما يحبه الله ويرضاه وإن كان نهيا فهو ما يكرهه ويأباه فإن كان خبرا فهو حق كما قال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون أي لا يعبدون معه غيره بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله ها؟ لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه لا نظير له انتهى كلامه. Donc, ça c'est la fin de la citation de Ibn Kathir. Il dit donc, en citant le verset qu'il a mentionné, et ceux qui, en les signes de leur Seigneur, hein, ont cru, hein, ils croient. C'est-à-dire, ils croient en les signes de leur Seigneur qui sont dans la création et qui sont dans la révélation. Donc, les signes dans la création et dans la révélation. Et c'est comme la parole que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnée à propos de Maryam, hein, la mère du prophète Isa alayhi salam, Jésus. Lorsqu'il dit à son sujet « وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ » C'est-à-dire, elle a cru sincèrement en les paroles de son Seigneur et en ses livres. « وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ » Et elle était du nombre des obéissants. Elle faisait partie des serviteurs obéissants à Allah. Donc, il dit, le Cheikh Ibn Kathir, il dit « Elle a été convaincue de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné et décrété, et de ce qu'il a légiféré, hein, que ce soit dans la création, de ce que Allah a prédestiné dans la création, ou de ce qu'il a légiféré dans ses livres. Et il dit, فَهُوَ مَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ C'est-à-dire, ce que Allah a légiféré dans la révélation, ça c'est ce que Allah a aimé et ce qu'il a agréé. Il dit, Cheikh Al-Fawzan ici, الإيمان بآيات الله القرآنية معلومة والإيمان بآيات الله الكونية أي الإيمان بأنها تدل على قدرة الله عز وجل وعلى استحقاقه للعبادة C'est-à-dire que la foi en les signes d'Allah dans le Coran, ça c'est connu. Tandis que les signes d'Allah dans la création, c'est-à-dire de croire que ces signes-là sont une indication de la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et du fait que lui seul mérite d'être adoré. Donc quand tu regardes tout ce que Allah a créé dans le monde, que ce soit les astres, que ce soit... Hein, le soleil, la lune, que ce soit la terre, que ce soit les arbres ou les océans, que ce soit les forêts ou les animaux ou les êtres humains ou n'importe quoi. Yani, tout ce que tu regardes autour de toi dans la création d'Allah, c'est un signe de sa puissance, de sa science, de sa sagesse, de sa grandeur, de sa perfection. Et ainsi de suite. Et donc, lorsque tu vois ça, c'est des choses qui t'indiquent que Allah est justement tout-puissant et que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Personne d'autre ne mérite d'être adoré en dehors de lui parce que personne ne peut créer comme lui a créé. Et il dit, وَإِنْ كَانَ نَهْيًا فَهُوَ مَا يَكْرَهُهُ وَيَأْبَاهُ. Donc, si ce que Allah a ordonné, si c'est quelque chose que Allah a ordonné, donc on sait que c'est quelque chose que Allah a aimé et agréé. Tandis que si c'est quelque chose qu'il a interdit, alors on sait que c'est quelque chose qu'il déteste et qu'il refuse. Il dit, wa in kana khabaran fa huwa haqq. Et si c'est une information, on sait que c'est la vérité. Kama qala ta'ala, walladhina hum bi rabbihim la yushrikun. Et ceux qui, avec leur Seigneur, ne font pas de shirk, ils n'associent rien avec lui. C'est-à-dire qu'ils n'adorent personne d'autre avec lui. Plutôt, ils unifient Allah, ils établissent son unicité en adorant personne d'autre que lui et en reniant tout ce qui est adoré en dehors de lui. Et ils savent que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, l'unique, celui vers qui toutes les créatures se tournent. Et qu'il n'a pas pris de compagne ni d'enfant, et que rien n'est comparable à lui. Donc ça, c'est la fin de cette citation de Ibn Kathir, et le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il continue en disant, « Qultu, fatarku shirk yatadammanu kamal al-tawhid, bima'rifatihi ala al-haqiqa, wa mahabbatihi wa qabulihi, والدعوة إليه كما قال تعالى قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إن إليه أدعو وإليه مآب وتضمنت هذه الآية كمال التوحيد وتحقيقه وبالله التوفيق. Donc le cheikh il dit que Abdurrahman ibn Hassan, il dit, donc, l'abandon du shirk, le fait de délaisser le shirk, ça comprend, ça implique, hein, et ça inclut la perfection du tawhid. Hein, et ça, c'est en ayant la connaissance de sa réalité, c'est-à-dire de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, hein, dans sa réalité, et de connaître également le shirk dans sa réalité, et de connaître également le tawhid dans sa réalité. Donc tout ça, c'est impliqué, c'est nécessaire. Et ça implique également d'aimer Allah, et de l'accepter, d'aimer le tawhid, et de l'accepter, et d'appeler au tawhid. Hein? Donc pour perfectionner son tawhid, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le connaître dans la réalité de ce que ça implique. Il faut l'aimer, il faut l'accepter, il faut inviter au tawhid. Et bien entendu, ça implique également de délaisser tout ce qui est relié au shirk. Et pour délaisser le shirk, hein, pour délaisser le shirk, eh bien il faut le connaître. Si tu ne connais pas quelque chose, comment tu peux le délaisser, hein? Comment tu peux abandonner le shirk si tu ne connais pas le shirk, hein? Comment tu peux cesser de le faire si tu ne sais pas ce que c'est? Donc, tu dois étudier également qu'est-ce que c'est le shirk pour le connaître correctement, pour être capable de t'en écarter. Donc, les gens, par exemple, qui disent « Non, moi, je n'ai pas besoin de connaître le shirk, j'ai juste besoin d'apprendre le tawhid seulement. » Comment tu peux connaître le tawhid comme il faut? Et comment tu peux t'écarter du shirk réellement si tu ne connais pas sa réalité? Et si tu ne l'as pas étudié? Et si tu n'as pas compris? Donc tout ça, c'est des choses qui sont reliées ensemble. Et le cheikh, il explique ici, il dit « Hada huwa tahqiq al-tawhid » de connaître la réalité du tawhid, de l'aimer, de l'accepter et d'inviter les gens au tawhid, ça fait partie de la purification du tawhid. Et il dit ensuite, parce qu'on est dans ce chapitre-là actuellement, Babu man haqqaqa at-tawhid dakhala al-janna bighayri hisab. C'est-à-dire le chapitre au sujet de celui qui a purifié son tawhid il entre dans le paradis sans jugement, hein, ni châtiment. Donc ça, c'est notre objectif ultime à chacun. On devrait tous essayer d'atteindre ce degré-là et de purifier notre tawhid de tout ce qui peut, hein, soit le détruire complètement, puis de ce qui peut l'affaiblir et le diminuer, hein, donc que ce soit du shirk mineur, hein, du shirk majeur, du shirk mineur, du kouf mineur, puis ensuite, et ensuite des bid'ah, hein, qui sont mukaffara ou non mukaffara, puis ensuite des kaba'ir et des grands péchés, puis ensuite des sara'ir, des petits péchés, et ainsi de suite. Donc de s'écarter de tout ça. Et si jamais quelqu'un tombe dans quoi que ce soit de ça, de se repentir aussitôt. Hein, pour que lorsqu'il meurt, il meurt hein, purifié, il meurt sur le tawhid complet et pur. Comme ça, Inch'Allah, il fait partie de ceux qui ont purifié leur tawhid et Inch'Allah, qui vont être permis d'entrer au paradis directement, sans jugement ni châtiment. Et le cheikh, il explique ensuite à propos du verset qu'il a cité, le verset 36 dans Surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'd qui veut dire le tonnerre. Donc on va lire ensemble le verset 36 dans Surat Ar-Ra'd. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie. Donc il a dit قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهِ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُ وَإِلَيْهِ مَأَبْ. C'est-à-dire dit « Il m'a seulement été commandé d'adorer Allah et de ne rien lui associer, c'est-à-dire de ne pas faire de shirk avec lui. C'est à lui que j'appelle et c'est vers lui que sera mon retour. Hein? » Donc ça, c'est important. C'est la base de la foi. Et il dit, le Cheikh Al-Fawzan, à propos de ce verset, أن أدعو الله ولا أشرك به لم يقتصر على قوله أمرت أن أعبد الله بل لا بد مع عبادة الله من ترك الشرك وإلا فإن العبادة تكون باطلة ولا تنفع صاحبها. Donc il dit le cheikh que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset dit hein, au Muhammad, j'ai uniquement été ordonné hein, d'adorer Allah seul et de ne pas faire de shirk avec lui. Et donc il dit, regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset, j'ai été ordonné d'adorer Allah et de ne pas faire le shirk avec lui. Il n'a pas seulement dit, j'ai été ordonné d'adorer Allah. Hein? Il faut absolument que avec l'adoration d'Allah, il y ait un délaissement et un abandon total du shirk. Hein, c'est-à-dire de toute adoration qui serait offerte hein, à autre que Allah. Sinon, une adoration dans laquelle il y a du shirk est totalement fausse et vaine et elle ne profite pas à celui qui l'a accompli. Et ensuite, la suite de cette, la fin de cette explication, le cheikh il dit « وَتَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْآيَةِ كَمَالُ التَّوْحِيدُ وَتَحْقِيقِهِ » وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقِ. Et il dit, et ce verset-là, hein, ce verset-là, il comprend donc la perfection et la purification du tawhid, hein, et c'est avec Allah que vient le succès. C'est en Allah qu'il y a le succès. D'accord, donc là, on a expliqué ce qui est relié avec les deux versets. Hein, les deux premiers versets de ce chapitre. Et maintenant, le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il va commencer à expliquer le hadith du chapitre. Et le hadith qui est mentionné par rapport à ce chapitre, c'est un hadith qui est assez long. Hein, et il est rapporté selon... Hussein ibn Abdurrahman, hein, selon Hussein ibn Abdurrahman, il dit, j'étais chez Saïd ibn Jubayr, Et il a dit, lequel d'entre vous a vu l'étoile filante, hein, ou l'étoile qui est tombée, hein, la nuit passée? Alors, il a répondu, Hussein ibn Abdurrahman, il a répondu, il a dit, moi je l'ai vu. Il a dit, mais j'étais pas en prière, mais je suis resté debout uniquement parce que hein, j'ai été mordu, par soit par une bête ou un scorpion, un serpent, quelque chose comme ça. Alors, Saïd ibn Jubayr, il demande, alors qu'as-tu fait dans ce cas-là? Il a dit, je me suis fait la ruqya à moi-même. Il lui a dit, et qu'est-ce qui t'a amené à faire cela? Il a dit, c'est un hadith que j'ai reçu de Sha'bi, dans lequel il disait, il a dit, qu'est-ce qu'il vous a transmis ou qu'est-ce qu'il vous a rapporté? Il a dit, il nous a rapporté selon Buraïda ibn al-Husayb. Il nous a rapporté selon Buraïda ibn al-Husayb qu'il a dit, c'est-à-dire, c'est ça, qu'il a dit, il n'y a pas de ruqya, excepté pour un mauvais œil ou pour une fièvre, ou bien quelque chose qui cause la fièvre. Comme par exemple une morsure d'animal, de serpent ou d'araignée ou scorpion, des choses comme ça. Hein, ça peut causer des fièvres. Alors il a dit, قَدْ أَحْسَنَ مَنْ انْتَهَى إِلَى مَا سَمِعَ. C'est-à-dire, celui qui s'arrête à ce qu'il a entendu, il a bien agi. Mais, il dit, on nous a rapporté de Ibn Abbas, radiallahu anhuma, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, les nations m'ont été présentées. Et j'ai vu le prophète. Un prophète avec qui il y avait un petit nombre de personnes. Hein, et il y avait un prophète avec un ou deux hommes seulement. Et un autre prophète, il n'y avait personne d'autre avec lui. Il était tout seul. Et lorsque j'ai levé le regard, j'ai vu une grande masse, hein, de personnes. Immense. J'ai cru que c'était ma Oumma. Puis on m'a dit, non, ça c'est Moussa et son peuple. Alors il dit, j'ai regardé encore et j'ai vu une autre masse immense de personnes. Alors on m'a dit, voici ta Oumma. Et avec eux, il y a 70 000 personnes qui vont rentrer au paradis sans jugement ni châtiment. Naam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé, il est rentré chez lui. Et les gens ont commencé à discuter entre eux pour savoir qui sont ces 70 000. Et certains disaient peut-être que ce sont les sahaba du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. D'autres ont dit peut-être que ce sont ceux qui sont nés dans l'islam et qui n'ont pas fait de shirk avec Allah. Et d'autres ont mentionné d'autres choses. Jusqu'à ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sorte. Et à ce moment-là, il leur a dit, qui ces gens-là sont? Il a dit, ce sont ceux qui ne font pas de ruqya. Ils ne demandent pas la ruqya à quelqu'un. Ils ne font pas at-tatayyur, c'est-à-dire ils n'ont pas de superstition. Hein? Ils ne craignent pas des superstitions ou bien des faux présages, hein, des choses comme ça, des mauvais présages. Ils n'ont pas recours à ce qu'on appelle al-kay, c'est-à-dire un genre de métal qu'on utilise comme un genre de morceau de fer ou une tige de fer avec laquelle on appuie à certains endroits pour brûler. Hein? Et ça, c'est un traitement qui est appliqué. C'est une sorte de médecine traditionnelle qui est employée pour guérir certaines maladies. Et on appelle ça Al-Kay. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est-à-dire ceux qui ne font pas ce traitement-là, ou n'utilisent pas cette méthode-là pour se traiter, et qui mettent leur confiance en leur Seigneur. Alors, Ukasha ibn Mihsan, il s'est levé. Et il a dit, ô messager d'Allah, invoque Allah pour moi, pour que il fasse que je sois parmi eux. C'est-à-dire parmi ces 70 000. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu seras parmi eux. Et un autre homme s'est levé tout de suite après lui. Et il a dit, ô messager d'Allah, invoque Allah pour qu'il me mette parmi eux moi aussi. Alors, le prophète sallam a dit, on cacha ta devancé à cette demande. Donc, ça c'est le hadith en question. Et le cheikh Al-Fawzan, il commence par faire un charh détaillé de ce hadith-là. Hein? Ensuite, il va faire faire des petits commentaires sur le charh du cheikh Abdurrahman ibn Hassan. Donc, le cheikh Abdurrahman ibn Hassan a lui aussi fait le charh de ce hadith. Mais cheikh Al-Fawzan, il élabore en premier, il fait un charh détaillé, puis après, il fait des petits commentaires sur le charh du cheikh Abdurrahman. Donc, on va commencer la lecture de ce hadith et son explication. Le cheikh dit « wa qawluhu an Hussein ibn Abdurrahman ». Donc, c'est-à-dire, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, ici le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a rapporté le hadith selon Hussein ibn Abdurrahman. Et cheikh Al-Fawzan, il commence donc le commentaire à propos de ce hadith. Il dit, « هذا الحديث حديث حسين بن عبد الرحمن التابعي الجليل رحمه الله قال كنت عند سعيد بن جبير وسعيد كذلك تابعي جليل من تلاميذ ابن عباس فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة يقوله سعيد بن جبير الكوكب معناه الشهاب الذي يرمى به الشياطين أو الشيطان على استراق السمع وليس معناه أن الكوكب نفسه يسقط وإنما هي شيظة وشهاب ينطلق على الشيطان ويمنعه من استراق السمع من السماء. Donc ici, le cheikh, il explique et il dit que yani le hadith en question, c'est le hadith rapporté selon Hussein ibn Abdurrahman. Et Hussein ibn Abdurrahman, c'est un parmi les tabi'in. C'est un grand parmi les tabi'in, un élève des sahaba. Il dit, j'étais chez Saïd ibn Jubayr. Il dit Saïd ibn Jubayr est lui aussi un tabi'i. C'est-à-dire, il fait partie lui aussi des élèves des Sahaba. Et en particulier, c'est un élève de Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma. Alors, il dit, il a posé la question à Hussein ibn Abdurrahman. Il a dit, qui d'entre vous a vu l'étoile filante? Qui d'entre vous a vu la nuit passée l'étoile filante qui est passée dans le ciel. Ou bien c'est Saïd ibn Jubayr qui a posé cette question-là. Oui, c'est Saïd ibn Jubayr qui a posé cette question-là. Et il lui a dit, donc, qui d'entre vous a vu cette étoile filante qui est descendue ou qui est tombée la nuit passée? Donc ça, c'est Saïd ibn Jubayr qui dit ça. Et il explique, le cheikh, il dit, qu'est-ce que ça veut dire, al-kawkab, ici, c'est... Parce que le mot kawkab, c'est traduit souvent par le mot planète. Hein, et il dit, c'est pas ici une étoile... c'est pas ici une planète qui est tombée, mais plutôt c'est une étoile. Et le cheikh explique que on appelle ça une étoile filante, on appelle en arabe shihab. Et c'est ça qui est lancé sur les diables lorsqu'ils essaient de voler des informations dans le ciel. Hein? Ils écoutent les anges et ils essaient de voler des informations dans le ciel pour par la suite pouvoir tromper les gens en mélangeant ces informations-là avec des mensonges qu'ils révèlent à des sorciers ou à des médiums ou à des voyants pour essayer de leur donner des informations sur le rêve. Hein, pour essayer de tromper les gens pour essayer justement de leur faire croire qu'ils connaissent l'invisible ou le ou l'avenir, hein? Alors, Allah subhanahu wa ta'ala les chasse et les envoie en leur jettant des étoiles filantes sur eux pour les empêcher d'écouter les informations qui sont transmises entre les anges dans le ciel. Et donc, le cheikh, il dit, non, c'est pas la planète elle-même qui tombe, mais plutôt c'est une étoile filante qui descend sur les shayatines pour les empêcher de voler des informations qu'ils écoutent dans le ciel. Et donc, il dit, Wal-bariha yaquluna innaha tutlaqu ala al-laylati al-madiyati wa summiyat bariha li'annaha barihat ay dhahabat. يقال برح المكان إذا غادر. Donc il a dit al-bariha, le mot bariha en arabe, on l'utilise pour désigner la nuit passée. On utilise le mot bariha pour désigner la nuit passée. Et la raison pour laquelle on l'appelle bariha, c'est comme le verbe barihat, hein, qui veut dire dhahabat, c'est-à-dire elle est partie. Donc, yani, il dit, donc qui a vu là l'étoile qui est tombée, al-bariha, donc la nuit passée. Et il répond, c'est-à-dire Hussein ibn Abdurrahman, il dit, ana, yani, yaquluhu Hussein. Yani, bariha al-makan, yani, lorsque tu dis bariha al-makan, c'est-à-dire avoir quitté un endroit. Donc, tu peux utiliser le terme bariha. Il dit وأيكم رأى الكوكب الذي انقض أي سقط البارحة قلت أنا يقوله حسين ثم خاف على نفسه من الرياء يقال ما الذي جعله يستيقظ في هذه الساعة خشي على نفسه أن يظن أنه يصلي ويتهجد فكره أن يحمد بما لم يفعل فقلت أما إني لم أكن في صلاة وهذا من الإخلاص من الإخلاص لله عز وجل ومن من الاحتياط وكراهة السلف للرياء كراهتهم بأن يحمدوا بما لم يفعلوا ولكني لدغت يعني بين السبب الذي من أجله سهر في الليل. Donc le cheikh, il explique que Saïd ibn Jubair, pardon, il demande, Saïd ibn Jubair, il pose la question, il dit, lequel d'entre vous a vu l'étoile filante qui est tombée la nuit passée? Et il répond, Hussein, il dit, moi. Puis il a eu peur, hein, d'avoir commis un acte d'ostentation en disant qu'il a vu l'étoile filante la nuit précédente, hein. C'est-à-dire que la personne avec qui il parle pense que la raison pour laquelle il a vu l'étoile filante qui est tombée la nuit, c'est parce que il ne dormait pas puisqu'il était debout pour prier, hein, et pour faire des prières de la nuit. On sait que les gens qui prient la nuit, c'est les gens en général qui sont très pieux, hein, très pieux. Ils se lèvent la nuit pour prier. Donc lui, il n'a pas voulu se faire glorifier, hein, ou recevoir des glorifications pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Alors, il a expliqué la raison pour laquelle il n'était pas en train de dormir. Et pourquoi il a vu cette étoile? Il a dit, c'est parce que j'ai été, hein, mordu par un animal, une bête, soit un scorpion ou un serpent. Les animaux ou les bêtes qui ont du venin. Hein? Et donc, quand ils mordent quelqu'un, un serpent, un scorpion, un araignée, hein, qui a du venin, quand elle te pique, ça peut te donner des fièvres, Hein, ça peut te donner de la fièvre et ça peut te rendre très très malade. Ça peut même parfois causer la mort dans certains cas. Donc, il n'a pas voulu se faire glorifier pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Alors, il a expliqué la raison pour laquelle il était resté debout pendant la nuit. Il a dit, parce que j'ai été mordu. Il a dit, l'oderta. L'oderto. L'oderto. Ça veut dire j'ai été mordu par un animal. Et il explique, il dit, walladra. هي لدغة ذات السموم من الحيات والعقارب والعادة أن من يلدغ يطلب العلاج قال فما فعلت يعني بعد اللدغة لا بعد اللدغة ماذا صنعت قال قلت ارتقيت أي قرأت على نفسي أو تركت من يقرأ علي الرقية والرقية هي القراءة على المصاب باللدغة أو غيرها من الأمراض أن يقرأ أو ينفث على المصاب وهي سبب من أسباب الشفاء بإذن الله وعلاج نافع. Donc ici le cheikh il explique la suite du hadith. Il dit que le terme l'odert, ça vient de al-ladra. Al-ladrato, c'est une morsure, une sorte de morsure ou une piqûre de la part d'un animal parmi les animaux qui ont un venin, comme un scorpion ou un serpent, des araignées aussi. Et en général, la personne qui s'est fait mordre ou qui s'est fait piquer par ces animaux-là, il va chercher un remède. Il va chercher un antidote à ce venin-là. Hein? Parce que ça peut parfois même être mortel, comme on l'a dit. Donc il y a des antidotes, il y a des antipoisons qui existent pour ces morsures-là. Donc le cheikh, il dit, il y a aussi d'autres remèdes. Parmi les remèdes, l'exemple que, justement, il mentionne dans ce hadith-là, il dit, qu'est-ce que tu as fait pour te guérir? Il a dit, j'ai fait la ruqya. C'est-à-dire, soit j'ai récité yani le Coran ou les invocations sur moi-même, ou j'ai laissé quelqu'un réciter sur moi les versets ou les invocations yani pour guérir. Et le terme ruqya en arabe, c'est justement la récitation d'incantations, ou bien dans l'islam, c'est la récitation de versets ou de dua, des invocations sur la personne qui est malade pour amener à cette personne une guérison. Parce que la ruqya, c'est quelque chose qui est une cause parmi les causes de la guérison par la permission d'Allah. Et c'est un remède bénéfique. Alors le cheikh, il dit ensuite, donc c'est ça, il dit quand quelqu'un il a une maladie ou quelque chose, que ce soit une morsure d'animal ou une maladie quelconque, le fait de réciter et de souffler sur la personne qui est affectée, eh bien, ça, c'est une cause de guérison par la permission d'Allah et un remède bénéfique. Et le cheikh, il dit ensuite, « قَالَ فَمَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا هَذَا فِيهِ أَنَّ الْإِنسَانَ لَا يَقُومُ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا بِدَلِيلٍ فَقُلْتُ حَدِيثٌ حَدَّثَنَاهُ الشعبي وهو عامر ابن شراحيل الشعبي وهو أيضا تابعي جليل اشتهر بالتفسير والحفظ وحدثنا الشعبي وذكر السند عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى وهذا دليل هذا دليل حسين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أي إصابة العين وهي الإصابة بسبب نظر الحاسد وهذا حق وهو من آيات الله عز وجل يجعل في نظر بعض الناس سمية إذا نظر إلى شيء يعني يصيب وعلاج الإصابة بالعين معروف وهو أن العائن يطلب منه أن يدعو بالبركة للمصاب وأيضا يستغسل بأن يطلب منه أن يتوضأ بماء ويؤخذ ما تسقط من أعضائه ويصاب على المصاب بالعين ويغسل كذلك ما يلي جسمه من الثياب ويغسل بماء وتؤخذ الغسالة أو الغسالة وتصب على المريض ويشرب منها فيشفى بإذن الله وهذا علاج العين. Donc ici ensuite le cheikh il explique que Saïd ibn Jubayr, il lui pose la question, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'a amené, ou qu'est-ce qui t'a porté à vouloir faire la ruqya pour ça? Alors, il dit, pourquoi? Parce que une personne, elle ne va pas avancer vers quelque chose ou faire quelque chose dans la religion, excepté s'il a une preuve. Accepter si elle a une preuve pour justifier ou supporter son action. Alors, il a dit, c'est un hadith qui nous a été transmis et rapporté par Al-Sha'bi. Et Al-Sha'bi, son nom au complet, c'est Amir ibn Sharahil Al-Sha'bi. C'est un parmi les grands imams, un tabi'i, lui aussi, qui est très célèbre pour sa mémorisation des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour sa connaissance dans l'interprétation du Coran et le tafsir. Donc, il a mentionné la chaîne de transmission du hadith jusqu'à Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il n'y a pas de ruqya excepté pour un mauvais œil. Qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-ayn? Ou bien une fièvre, al-humma. Et une fièvre ici, ça peut être une fièvre causée par un poison, une morsure d'animal, serpent ou scorpion ou autre, tarentule ou araignée. Ou bien n'importe quelle autre fièvre causée par une autre maladie. Et il dit, donc ça c'est le dalil que Hussein a rapporté, dans lequel il mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, qu'il y a pas de, on ne doit pas faire la ruqya acceptée pour al-ayn, c'est-à-dire le mauvais œil, ou al-humma. Et al-humma, et là le cheikh il dit, il y a al-humma qui est la fièvre, et il y a al-humma aussi. Il dit, c'est ça, c'est lorsqu'on a été mordu par un poison, un animal qui a du venin. Donc ça c'est, qu'est-ce qu'on appelle al-humma. Donc, par rapport à ça, le cheikh maintenant il explique, qu'est-ce que c'est al-ayn. Il explique la signification de al-ayn. Et c'est-à-dire le mauvais œil. C'est ça. Oui. Donc, je lisais le mot humma avec la shadda. Et ici, semblerait donc que c'est plutôt humma et non pas humma. Parce que humma, c'est la fièvre. Tandis que humma, ici, c'est différent. C'est assum, c'est le venin. Donc, soit le venin du scorpion ou le venin du serpent. Donc, ça, c'est important de distinguer. Parce que j'avais lu déjà dans certaines narrations, je pense qu'il y avait une shadda. Donc c'est possible que j'ai eu une confusion par rapport à ça. Donc ici, le cheikh, il explique le mauvais œil, qu'est-ce que c'est. Il dit donc que le fait que quelqu'un soit frappé par le mauvais œil, c'est quoi? C'est lorsque quelqu'un regarde une autre personne avec un regard jaloux, hein, un regard de jaloux. Donc ça, c'est quelque chose qui existe réellement et qui a un impact, qui a un effet réel. Et ça fait partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il fait que parfois, certaines personnes, lorsqu'ils regardent d'autres, hein, eh bien, ils sont capables de frapper la personne avec leur regard. Et en général, comme on dit, c'est à cause de la jalousie. Donc, le remède pour ça, il a été expliqué par l'exemple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est que le remède pour le mauvais œil, c'est de demander à la personne de nous invoquer, de faire un doigt pour la bénédiction pour la personne qui a été frappée par le mauvais œil. Donc elle dit à la personne, hein, de mentionner la bénédiction d'Allah lorsqu'elle regarde quelque chose ou lorsqu'elle mentionne quelque chose. C'est pour ça qu'on dit souvent aux gens, lorsque vous regardez quelque chose qui vous a ébloui ou que vous trouvez beau ou que vous aimez, de dire, hein, Bismillah, hein, ou bien de dire plutôt, Masha'Allah, tabarakallah. Masha'Allah, tabarakallah. Donc, le fait de mentionner la bénédiction d'Allah, ça annule les effets du mauvais œil. Donc, il y a ça comme remède. Et il y a aussi le fait de demander à la personne qu'on a soupçonné d'avoir été la cause de ce mauvais œil, de lui demander de faire le wudu et on garde l'eau, de prendre l'eau de son wudu, c'est-à-dire l'eau qui va couler de ses membres, hein, et de prendre cette eau-là, également de laver ses vêtements, hein, de laver ses vêtements dans cette eau-là, et on va prendre cette eau, l'eau qui coule de son wudu et de ses vêtements, et on va prendre cette eau-là pour que l'autre personne qui a été affectée par le mauvais œil puisse se laver avec. Donc, une fois qu'il se lave avec, il sera, Inch'Allah, guéri par la permission d'Allah de ce mauvais œil-là. Donc, ça, c'est la première chose qui était mentionnée dans le hadith pour laquelle on peut faire la ruqya. Et l'autre chose qui est mentionnée dans le hadith, c'est Awhuma, Awhuma, et il dit wa hada mahallu shahid, yani al-huma, as-sum, hein, summu al-aqrab, ou summu al-hayya, fa dalla ala jawazi al-ruqyati, yani ala jawazi al-ruqyati, man lada, min ladrati al-hayyati, ou al-aqrab, wa hada ma yadullu alayhi hadith al-sha'bi. الذي استدل به حسين بن عبد الرحمن. Donc il dit donc que ou bien on a le droit de faire la ruqya uniquement pour le mauvais œil ou al-huma. Et al-huma, il dit, c'est-à-dire le poison, hein, ou le venin, comme le venin du scorpion ou le venin du serpent, hein, ou de ces genres d'animaux qui ont du venin. Et le cheikh, il dit que ça a été prouvé par le hadith de Al-Sha'bi que Hussein ibn Abdurrahman a mentionné comme preuve. Et le cheikh, il dit ensuite, وقال سعيد بن جبير رضي الله عنه قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. C'est-à-dire, celui qui s'est arrêté à ce qu'il a entendu, il a bien agi. C'est-à-dire celui qui agit en se basant sur une preuve, hein, il a bien agi. Et le cheikh dit وَهَذَا فِيهِ أَنَّ مَنْ عَمِلَ بِالدَّلِيلَ الَّذِي بَلَغَهُ أَنَّهُ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ بَنَى عَلَى دَلِيلٍ. Donc il dit, ça montre et ça indique une chose, c'est que celui qui agit en se basant sur une preuve, hein, la preuve qui lui est parvenue, eh bien, il n'y a pas de mal, hein, pour lui, il n'y a pas de péché, Il n'est pas blâmé puisqu'il s'est basé sur une preuve. Hein? Il s'est basé sur une preuve. Et le cheikh, il dit, « Walakin, حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم وبعضهم يقول ليلة ليلة كذا أو في مكان كذا وبعض العلماء يقول لعله ليلة الإسراء وبعضهم يقول لعله يعني رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم والإحسان التوقف لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا متى كان هذا. Donc ici le cheikh il commence donc à expliquer la suite, c'est-à-dire que il dit Abdullah Saïd ibn Jubair, il dit et moi Abdullah ibn Abbas il m'a rapporté un hadith à moi aussi, un autre hadith, et là il commence à citer la suite du hadith. Donc, sauf que nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et on continuera la suite demain, la suite de ce hadith, bi'idhnillah. Donc, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.